Still Loving You des Scorpions sur RGM 8h40. On fait maintenant un point sur tous ceux qui sont nés un 25 mai 1931. Naissance d'Irvin Winkler, producteur américain, qui a produit notamment Rocky 1, film pour lequel il a obtenu l'Oscar du meilleur film. Rocky 2, 3, 4 et 5 également. Les Affranchis, Le Loup de Wall Street, Creed, l'héritage de Rocky Balboa et Creed 2, sortie prévue pour cette année. 1939, naissance de Ian McKellen, acteur britannique, vu dans le film Richard III, dans le rôle de Richard III, dans Da Vinci Code, dans le rôle de Sir Lake Tibbing, mais il est surtout connu pour ses rôles d'Eric Lenscher, alias Magneto, dans X-Men 1 et 2, X-Men l'affrontement final, Wolverine le combat de l'immortel, X-Men Days of Future Past et le rôle de Gandalf dans la trilogie du Seigneur des Anneaux et la trilogie du Hobbit. 1944, naissance de Frank Oz, réalisateur et marionnettiste britannique, vu dans The Blues Brothers, Blues Brothers 2000, et il est la voix originale du personnage de Yoda dans Star Wars 5, 6, 1, 2, 3 et 8. Je vous les ai donnés hein, dans les dates de sortie, bien évidemment. 1948, naissance de Klaus Main, chanteur allemand du groupe Scorpion. 1951, naissance de Bob Gale, réalisateur, scénariste, producteur américain. Scénariste et producteur de la trilogie Retour vers le futur. 1962, naissance de Gilles Boulot, journaliste français, présentateur du journal de 20h depuis juin 2012 hein, sur la Une. 1963, naissance de Mike Myers, acteur, scénariste canadien, connu pour son rôle d'Austin Powers, alias Dr. Evil, dans Austin Powers l'espion qui m'a tiré, et Austin Powers dans Goldmember, vu également dans Inglourious Basterds, dans le rôle du général Ed Fennec, et scénariste de la trilogie Austin Powers, et la voix originale du personnage de Shrek. 1969, naissance de Anne Heck, actrice américaine, vue dans Souviens-toi l'été dernier dans le rôle de Missy Egan, Six jours, sept nuits dans le rôle de Robin Monroe, Psycho dans le rôle de Marion Crane et apparu dans la série télé Ally McBeal, Nip Tuck et Quantico. 1970, naissance de Jamie Kennedy, acteur américain, vu en 1996 hein, dans Roméo et Juliette aux côtés de Leonardo DiCaprio, dans Scream 2 dans le rôle de Randy Mix, dans Ennemi d'État, dans la série télé Ghost Whisperer dans le rôle du professeur Ellie James, dans Entourage ou encore Esprit criminel. 1972, naissance d'Octavia Spencer, actrice américaine, vue dans Collège Attitude, Big Mama, Spider-Man, La couleur des sentiments dans le rôle de Minnie Jackson, qui lui a valu l'Oscar de la meilleure actrice de second rôle, et vue également dans Divergente 2 et 3 dans le rôle de Johanna Reyes. C'est également l'année de naissance de Barbara Schulz, actrice française, vue dans Rien que du bonheur, Jean-Philippe dans le rôle de Gabriel, De l'autre côté du lit, Un homme et son chien, la série Terre Indigo dans le rôle de Bérénice et Le mystère du lac dans le rôle de Lee Stoker. 1975, naissance de Lauryn Neal, chanteuse américaine. 1976, naissance de Cillian Murphy, acteur irlandais, connu pour son rôle du docteur Jonathan Crane, alias l'épouvantail dans Batman Begins, The Dark Knight, le Chevalier Noir et The Dark Knight Rises, vu également dans Sunshine ou encore Inception, dans le rôle de Robert Fisher et plus récemment dans le film Dunkerque. 1979, naissance de Johnny Wilkinson, ancien joueur de rugby anglais qui a fait carrière de 1997 à 2009 en jouant aux Falcons de Newcastle et de 2009 à 2014 avec Toulon. Et en club, il a remporté la Coupe d'Europe des clubs. Il a été champion avec Toulon en 2013 et 2014, champion d'Angleterre en 1998, champion de France en 2014. Il compte deux Coupes d'Angleterre obtenues en 2001 et 2004. Et en équipe nationale, il est champion du monde 2003, vice-champion du monde 2007 et il compte 4 victoires au tournoi des 6 nations en 2000, 2001, 2003 et 2011. Allez, nouvelle pause musicale avec le titre Killing Me Softly de Lauryn Hill avec les Fugees. My pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. This is why Clef refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes. Les Fugees sur le 107FM, presque 8h49 et il est temps pour nous de faire un point complet sur la météo. La météo. Alors, très belle journée aujourd'hui, hein, très belle journée ensoleillée, quelques petits nuages mais rien de bien méchant. Des températures comprises entre 14 et 15 degrés ce matin, entre 24 et 26 degrés cet après-midi. Pour samedi, on devrait avoir une belle journée également, mais une perturbation est prévue pour samedi après-midi. Des températures comprises entre 13 et 14 degrés le matin, entre 25 et 27 degrés prévues pour samedi après-midi. Et pour dimanche, ce sera normalement des éclaircies. Des températures comprises entre 16 et 17 degrés le matin et entre 25 et jusqu'à 26 degrés prévues pour dimanche après-midi. Voilà pour la météo. On fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le football féminin et la finale de la Ligue des Champions qui opposait Lyon à Wolfsburg. Et il aura fallu attendre eh bien, les prolongations pour voir des buts dans cette finale et de beaux buts notamment. Et ce sont les Lyonnaises qui se sont imposées 4 buts à 1 après prolongation. Donc c'est leur 5e titre de Ligue des Champions et le 3e consécutif, ce qui est d'ailleurs historique. Et samedi, ce sera la finale de la Ligue des Champions messieurs qui oppose le Real Madrid à Liverpool. Un mot de cyclisme avec le Tour d'Italie qui a été remporté, enfin en tout cas l'étape d'hier, par Skakman, excusez-moi, j'ai pas vraiment fait allemand, et 24e Thibaut Pinot. Au général, Thibaut Pinot est toujours 5e. Un mot de basket avec la NBA, le match numéro 5, avantage Houston qui s'est imposé cette nuit 98 à 94 face aux Golden State Warriors, 3 à 2 donc dans cette demi-finale très très serrée hein, entre les deux équipes. Du côté de chez nous en Pro B, ce sont les playoffs qui débutent ce soir pour Nancy à Fos-sur-Mer. Et on termine avec le tennis à Lyon, qualification de Gilles Simon 3-7 face à Kukushkin, 4-6, 6-4, 7-6. Il affrontera aujourd'hui Nori. À noter à Genève l'élimination d'entrée de Stan Wawrinka. Et pour les qualifs de Roland-Garros, côté messieurs, hier, l'élimination de Donnelly en 2-7 face à Andreozzi, 7-5, 6-2. Aujourd'hui, le français Müller affrontera Rude. Et côté féminin, Tan s'est qualifié en 2-7 face à Liu, 6-4, 6-2. En revanche, élimination de Hierolimos en 2-7 face à Golubic, 6-1, 6-3. Élimination de Paris en 2-7 face à Sramkova, 7-6, 6-0. Aujourd'hui, Tan affrontera Garcia Pérez. Voilà pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale et on va rendre hommage à Morane qui nous a quittés le 7 mai dernier. On va écouter son titre « Tu es mon autre » en duo avec la chanteuse Lara Fabian. Jumeau ou frère de rien, mais qui es-tu? Tu es mon plus grand mystère, mon seul lien contigu. Tu m'enrubanes et m'embryonnes, et tu me gardes à vue. Tu es le seul animal de mon arche perdue. Fais de toi mon entre, l'être reconnu. Il n'y a rien à comprendre, et que passe l'intrus qui n'en pourra rien attendre, car je suis seul à les entendre, les silences, et quand j'entends toi. Mon insolence et mon droit, bah, je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici, nous serions l'infini. Seul à les entendre, les silences, et quand j'entends toi. See you. Morane et Lara Fabian sur le 107 FM, 8h, presque 56, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Avant de se quitter, on fait un point sur ce qui vous attend aujourd'hui de 9h à 9h30, épisode d'Ours et Carottes de 10h à 10h30, deuxième épisode d'Ours et Carottes, 10h30, Plus belle la vie avec la masse du Toli, 13h30, la rediffusion de la chronique BD de Camille, 14h, rediffusion de J'ai mis, je vous le lis avec Dominique, 15h, rediffusion de Jazz Time de Radio Déclic, à 18h, l'heure des loups avec Lou qui nous parle des sorties du week-end, et à 21h ce sera une rediffusion de Mosaïque avec François. Quant à nous, on se retrouve lundi matin, même heure, même endroit. Je vous souhaite une bonne journée et un excellent week-end. Bye bye.